Et alors j'y vais pour le point 5, hein, qui était garantir à tous nos organismes de recherche les moyens humains et financiers nécessaires à leur indépendance, leur développement et leur rôle national de structuration sur tout le territoire de la recherche à court et à long terme. Alors je vais parler depuis une certaine position, qui est celle donc d'enseignant-chercheur en littérature anglaise et directrice d'un petit laboratoire en sciences humaines et sociales. Donc on le sait, les crédits pérennes des laboratoires, hein, c'est-à-dire les crédits distribués chaque année, au mieux stagnent ou baissent. Et c'est le cas dans leur grande majorité. Et ces crédits n'étaient déjà pas élevés. Pour vous donner un exemple, donc l'équipe d'accueil GRIC que je dirige, c'est le groupe de recherche identité et culture à l'Université du Havre, reçoit par an 18 000 euros pour 31 membres permanents et 13 doctorants. Avec ces 18 000 euros, nous devons financer les colloques que nous organisons, financer les missions des membres lorsqu'ils partent communiquer en France ou à l'étranger, ou mener des enquêtes sur le terrain. Donc vous imaginez un peu comment on doit se débrouiller. Cette somme donc invite les enseignants-chercheurs à chercher des financements sur projet, c'est-à-dire remplir des dossiers pour demander de l'argent au niveau régional, on parle alors de CPER, ou au niveau national, on parlera de demande ANR, ou au niveau européen, mais là, à l'Université du Havre, on nous dit « les dossiers pour des demandes au niveau européen sont si difficiles à faire qu'on ne peut pas vous aider à les remplir, il faudrait pratiquement passer par des boîtes privées pour le faire ». Les financements pérennes sont, on le comprendra aisément, la condition de la liberté, de l'indépendance, de l'originalité et de la qualité de la recherche. La condition aussi d'une indépendance vis-à-vis des régions qui ne financent que des recherches utiles au développement régional. Par exemple, lorsque je suis arrivée à l'Université du Havre en tant que spécialiste de Shakespeare, l'une des premières questions que l'on m'a posée a été « Travaillerez-vous sur Shakespeare et la Normandie ? Parce que ça pourrait être utile pour recevoir des fonds. » Un manque de chance, je travaillais à l'époque sur Antoine et Cléopâtre, et Cléopâtre n'étant pas normande, j'ai pas pu avoir de fonds. Et je connais des chercheurs rémois à qui l'on demande d'axer leur recherche autour du vin. Je connais des chercheurs corses à qui l'on impose des sujets tels l'insularité ou les fromages. Et oui, on en rit, mais c'est assez dramatique. Il faut savoir que pour les chercheurs et enseignants-chercheurs, le temps et l'argent passés à monter un programme, comme un programme ANR, sont du temps et de l'argent perdus pour la recherche, la vraie. 3 mois à temps plein peuvent être passés à monter un dossier ANR qui n'a que peu de chances d'être retenu. De plus, l'ANR cultive le projet à court terme, 3-4 ans, et donc à courte vue, et précarise le métier de chercheur en favorisant le recrutement de post-doctorants ou d'ingénieurs en CDD, juste pour la durée du projet. Les fonds économisés sur les crédits ANR, hein, si on supprimait l'ANR, pourraient être réservés aux universités et organismes de recherche afin d'augmenter les ressources propres des laboratoires, et ce serait tellement plus simple. Alors l'AERS, hein, cette agence qui note les labos et conditionne les financements pérennes que les labos percevront, représente une véritable gabegie, et sa suppression générerait des économies substantielles, hein, car ses frais de fonctionnement, ses frais de déplacement, logement de milliers d'experts coûtent très cher en temps, en énergie, en argent, autant d'énergie, de temps, d'argent qui ne sont pas consacrés à l'enseignement et à la recherche. Il faut en finir généralement, et c'est ce que nous disons dans l'appel, en finir avec la culture de l'évaluation qui, au lieu de servir la recherche, la ralentit, puisque pour dénicher une personne qui ne fait pas correctement son travail, et elles sont rares ces personnes, on en ralentit des milliers et on prive de financement de très nombreux laboratoires. Il faut aussi, on ne peut pas ne pas parler du crédit impôt recherche, dont les entreprises abusent en déduisant de leurs impôts des frais de recherche et développement qui peuvent couvrir l'élaboration de logiciels ou même des opérations de promotion. La réduction drastique de ce crédit impôt recherche pourrait permettre de redistribuer l'argent directement aux universités et organismes de recherche sous forme de crédit pérenne.